La taratarantule, en tutu de tulle, en tutu de tulle, danse la tarentelle avec la sauterelle tout en dentelle. La taratarantule, en tutu de tulle, en tutu de tulle, danse la tarentelle avec la saute, saute, saute, saute, sauterelle. Tu sautes trop, mademoiselle sauterelle. Tu m'écrases les pieds, tu salis mes souliers. Et tu danses avec moi, mademoiselle sauterelle. Mais tu me regardes pas, on manque le pas, on manque le pas, on manque le pas. C'est à cause de toi. Tic-tic-tic-tic-tic, madame tarentule. Tu bouges tes mandibules, mais tes pattes elles bougent pas. Allez, saute et haut et vite. Hop et hop et hop et hop et hop et hop et hop et hop. La taratarantule en tutu de tulle, en tutu de tulle, danse la tarentelle avec la sauterelle tout en dentelle. La taratarantule en tutu de tulle, en tutu de tulle, danse la tarentelle avec la saute, saute, saute, saute, saute, sauterelle, saute, saute, saute, saute, saute.